Que je vienne te prendre en oubliant le goût des années à t'attendre. Il se peut que je vienne quand même, même en fermant les yeux, que tu restes la même. Mais il se peut que je perde mémoire, que je ne me noie plus dans l'eau de tes miroirs. Comme il se peut que je garde le doute de ce qui nous partage. Je t'aime sans doute. Il se peut que les mots du silence s'impriment dans nos yeux et que tout recommence. Il se peut que la fin de nos ventres nous fasse partager le vide qui nous rentre. Mais il se peut que viennent les images d'un homme qui se plante au milieu de sa cage. Comme il se peut que vienne l'habitude des gestes répétés des jours de lassitude. Il se peut que les années te rident, mais que je dorme encore entre tes eaux limpides. Il se peut qu'aux brèches de tes lèvres notre haleine se mêle et me donne la fièvre. Mais il se peut que vienne la faiblesse, la peur de cette écharde qui nous taille et nous blesse, que de s'endormir nu dans un coton d'éther. Je pense à toi, les yeux ouverts. Mais il se peut que vienne la faiblesse, la peur de cette écharde qui nous taille et nous blesse, que de s'endormir nu dans un coton d'éther. Je pense à toi, les yeux ouverts.